Attention, ici votre droïde de protocole T1BB, relation podcasteur-auditeur. L'équipage du Faucon Millénial étant un peu lent, cet épisode a été coupé non pas en un, non pas en deux, mais en trois parties. Ceci est la troisième et dernière partie. Merci de votre compréhension et bonne soirée ou journée. Faucon Millénial vous est présenté par... Oh, dia venta folie, et l'uleo primoc. Quand le charme rencontre la légende. Découvrez le nouveau single Chicken in the Pot. J'ai un bon gant, dans cet un bon gant. Oh, dia venta folie, et l'uleo primoc. Album disponible maintenant. Ah. De la postlogie. Donc, pour introduire le sujet qui nous intéresse dans la postlogie a vu le jour donc à partir de donc suite au rachat en 2012, donc à partir de 2015, et c'est vraiment la première trilogie plus les spin-offs qui a vu lieu dans ce qu'on peut appeler l'ère numérique, où la moindre critique, la moindre chose qui peut énerver le moindre internaute un peu virulent sur Internet trouve instantanément écho, même chez une toute petite population, trouve instantanément écho au sein de cette population, et donc des choses qu'on pouvait commencer à estimer comme acquises, comme la place des femmes ou de l'homme de couleur, se retrouvent remis en question, car les paroles de ceux qui râlent sont toujours plus entendues que les paroles de ceux qui aiment. Et donc on a une démultiplication de paroles qui peuvent sembler qui sont racistes et sexistes, et donc ces paroles vont toucher les personnages de Ray, de Rose, de Finn. Je me souviendrai toujours des premières images de Finn, et tout de suite les rumeurs, c'est le fils de Lando, évidemment, hein, un noir, ouais. est obligatoirement le seul autre noir de l'univers, de la trilogie, voilà. C'est la galaxie, là. C'est une espèce à part, tu sais, il y a qu'une seule lignée de noir dans toute la galaxie. Il recommence là en plus avec Janna. Hein. Ouais. Alors Janna, il y a deux rumeurs. Parce que c'est une femme en plus. Soit c'est la fille de Lando, soit c'est la sœur de Finn, mais il y a personne qui pense que ça peut être son propre personnage. Ouais. Ah bah non, c'est une femme. Donc faut forcément la rattacher à une figure patriarcale d'abord, et ensuite en plus elle est noire. Donc faut forcément lui trouver Ouais, genre ça pourrait pas être la fille de Luke. Genre Luke il pourrait pas avoir fait du sexe avec une femme racisée et avoir une fille métisse, tu sais. Forcément la légitimer dans tous les cas, hein. C'est là aussi. Oui, mais faut la rattacher à des noirs, tu vois. Oui. C'est genre tu peux pas être enfant d'un couple mixte. Bah non, évidemment, mais c'est comme pour Ray, il lui faut des parents aussi, parce que sinon... Pardon. Ce qui est marrant, c'est que finalement, il y a exactement la même chose qui arrive à Ray, c'est que un personnage féminin aussi puissant, alors que Anakin a eu des pouvoirs très tôt, hein, la course de pod, Starkiller, hein, tous ceux qui ont aimé ce jeu vidéo, finalement, il a aussi des pouvoirs très tôt. Je viens de me retaper la saison 1 de Rebelle, oui, je sais, j'ai du courage. Ezra, très rapidement, il arrive à faire des force push assez puissants. Mais non, Rey, c'est un personnage féminin qui est dès le début très puissant, donc forcément, c'est la fille de... Tout le monde. Ouais, elle, pour le coup, elle est passée. Tout le monde y est passé. Elle, pour le coup, elle est passée par tout le monde. Passée, Et même maintenant, ils disent, ouais, c'est la fille de Anne. Je vais pas parler d'Elic parce que là, je vais m'arracher la tête. C'est la jumelle de Kylo Ren. Non, mais c'est pas des spoils. C'est la jumelle de Ben Solo qui a 10 ans de plus qu'elle. Alors, moi, j'ai quand même... Je vous laisse processer ça. Ah non, mais j'ai quand même vu, hein, c'est un clone de Luke fait à partir de sa main. Ouais. Oui, c'est vrai. Oh, mon Dieu. C'est pour ça que Maz, elle peut pas expliquer d'où vient la main. Oui. Tu sais. Bon, déjà, ça montre que les gens savent pas comment ça marche, les génétiques. Mais un autre truc, que c'est un truc dont... Matt avait pas mal parlé dans les épisodes précédents, qui fait que qui rejoint un peu ce que tu disais, Lane, sur le problème de parler de n'importe quoi en fait sur les films, ça a forcément créé un pataquès pas possible. C'est en plus des réseaux sociaux, c'est peut-être le rôle de tous ces sites qui vont qui a tendance nouvelle technologie geek, ce genre de choses, qui vont encore plus accélérer l'écho en donnant la même place à une rumeur de fan ou un montage naze fait par des fans pas contents. Ils vont donner autant de place que ça à des informations qui sont vraiment vérifiées, legit, données par Lucasfilm. Ça leur donne ça fait une caisse de résonance pas possible, et surtout avec toute cette formulation du clickbait, on a des informations sur les parents de Rey, tout ça. Non mais oui, dès que c'est une femme, faut toujours qu'on critique, hein. Je vais passer deux secondes chez Marvel, mais Captain Marvel, il y a des tas d'hommes qui ont dit non mais c'est pas parce que c'est une femme que je l'aime pas, c'est juste qu'elle se la pète, elle est orgueilleuse, franchement elle en fait des caisses, elle en fait des tonnes, et là-dessus tu leur dis Tony Stark, s'il vous plaît. Ah oui, mais lui c'est pas pareil. Bah oui, il est un pénis. En plus c'est même pas vrai, elle en fait pas des tonnes et tout, c'est juste une femme. Foutez-lui la paix. Je pense que, à part quelques femmes qui sont trop imprégnées du patriarcat, les pauvres, je pense que la plupart des femmes qui ont vu le film se sont dit « Oh putain, elle a cassé la gueule du mec qui lui a dit de sourire, yes !» Ouais. Moi, j'ai des mecs, hein, au boulot qui me disent de sourire, j'ai envie de leur casser la gueule. Bah, oh punaise, mais en fait, vous êtes tous des connards. Casse-leur la gueule, casse-leur la gueule. Surtout que je souris tout le temps, donc c'est encore plus, tu sais, t'es genre « Quoi ?» J'ai des mecs, et quand je souris, on vient me voir spécialement pour me dire, waouh, vous avez un beau sourire, on dirait une Mona Lisa, ça fait du bien à ma journée quand vous me souriez, t'es genre, ah, putain, je vais plus jamais sourire de ma vie. Enfin bref, voilà, petit aparté. Tout ça pour dire que, on a dans cette nouvelle trilogie, pour la première fois, un personnage féminin qui est le personnage vraiment principal du film. Hein. Dans la trilogie, bon, Leia a une place très importante, mais ça reste Luke qui est le personnage. C'est Luke qui a le nom de famille Skywalker. Dans la prélogie, donc, bon, c'est Anakin. Et là, pour la première fois, on a cette Rey. Rey, pas de nom de famille, voilà, merci. Et même si on pourrait dire oui, mais Kylo Ren, c'est le Skywalker, donc c'est le personnage principal de cette nouvelle trilogie. Bah, on apprend que c'est un Skywalker que à la moitié du premier film. C'est Rey qui est mise en avant. En vrai, tu le sais. Tu l'apprends dès le début, quoi. Moi, je l'ai appris quand y a Snoke qui lui dit le vaisseau de ton père. Hein. Ok. Je savais pas qu'il y avait des gens comme ça. Ah, mais... Moi, quand Lord Santeca lui a dit tu peux pas des. You can't deny the truth, that is your family. Je fais ouais, ok, c'est le fils de Han et Leia. Je veux pas me la péter, j'avais compris au premier teaser. Hein. Oui, bon. Ouais. Eh ben, c'était pas mon cas. Non, mais ouais. Mais voilà, mais oui, il y a plein de gens qui sont dans ton cas, Line. Oui, c'est des blagues. Donc... C'est juste que nous, on est comme ça. Quelle horreur. Vas-y, finis ce que tu dis, mon pauvre. Je disais juste qu'on a cette femme en personnage principal et que c'est la première fois dans Star Wars, et donc ça après la prélogie qui était finalement assez peu évolutive et représentative, on a ce film qui ose faire quelque chose de jamais vu dans Star Wars et qui fait beaucoup d'autres choses aussi, notamment dans les représentations de toutes les minorités, de couleur, que ce soit avec les personnages de Rose, Baze et Chirrut, Bodhi, mm-hmm. Poe, Finn, donc j'ai Cassian. Et il va y avoir Janna prochainement dans le prochain film. L'autre, il y a Kaz, il y a l'autre aussi là, dans Résistance. Poe Coulette. J'oublie son nom. Ah oui, il venait déjà de... Oui, il venait de The Clone Wars. Oui, mais il est là dans le film, tu vois ce que je dis. Et d'ailleurs, dans Rebels, on a aussi le commandant Sato, qui est racisé également, et qui est un des personnages à la base de l'Alliance Rebelle. C'est vrai, avec une femme et Organa, donc aussi de couleur. Dans la postlogie, non seulement il y a des personnages de couleur, mais en plus, ils ont tous un arc narratif, et c'est assez assez ils ouf. Ils sont pas uniquement là pour dire, et regardez, c'est on pas... a mis... C'est pas les sidekicks, quoi. C'est ils ont tous leur importance, ils ont tous leur développement, et ça, c'est cool. Et ils sont tous là dès le premier film. Mais c'est pas les tokens. Et c'est pour ça qu'on s'en fout que dans le 7, il y ait une nouvelle étoile de la mort, qui est pas une étoile de la mort, mais qui est plus grosse, et que, oh là là, on dirait un remake du 4. Il y a tellement de points pour dire que non. Mais c'est parce que c'est pas ça qui est important. Dans le 7, ce qui est important, c'est pas ce qu'ils vont faire, leur mission et tout, c'est les personnages qui ils sont, comment ils se positionnent dans ce truc et comment ils vont évoluer et trouver une convergence. Mmh. Eh oui. Bref, on est parti complètement en sujet. Moi, je voulais juste dire, avant qu'on enchaîne, si vous, quelqu'un a quelque chose, trouve comment rebondir. Si vous voulez, si vous comprenez bien l'anglais, il y a un podcast qui s'appelle What the Force, qui est un podcast qui est fait par des femmes. Elles nous invitent d'autres femmes et parfois aussi d'autres hommes. Pas d'autres hommes, enfin, bref. Et en fait, elles parlent de tout ce qui est l'aspect mythologique de Star Wars, et notamment du point de vue de Campbell, du héros mille visages, du chemin de l'héros, du chemin de l'héroïne, parce que c'est un truc que tu peux pas dissocier de Star Wars, et que ce serait, tu peux pas avoir une autre grille de lecture cohérente. Et dedans, elles expliquent en quoi, notamment The Last Jedi et la postlogie, c'est principalement une narration féminine, dans le sens que ça aborde des thèmes et des conflits principalement féminins avec le chemin de l'héroïne. Et elles expliquent pourquoi il y a eu une réaction aussi négative et forte de certains mecs et de certaines femmes aussi. Ouais, donc, mais c'est ça qui est justement par rapport à la représentativité de la postlogie, c'est que ça se fait pas que au niveau du casting, mais ça se fait aussi au niveau de la façon dont ils racontent l'histoire. Exactement. C'est différent. C'est pour ça que Marvel, c'est plus facile à consommer que The Last Jedi. Pourquoi? Parce que c'est le truc typique de le chemin du héros, toujours le même. Non, mais c'est même le truc typique qu'on a depuis des années, années et des années, parce toujours que c'est un mec. Enfin, c'est les mecs qui racontent des histoires pour des mecs, et puis si ça plaît aux filles, tant mieux, et si ça leur plaît pas, c'est pas grave, de toute façon, on a déjà l'argent des mecs. Et c'est pour ça que Captain Marvel a les mecs, enfin, pas tous, hein, évidemment, mais beaucoup de mecs. Oui, à chaque fois on dit ça, mais voilà, c'est pas... Beaucoup de mecs ont ragé dessus parce que c'est une histoire qui... Mon Dieu, vous faites une autre Tolman. Ouais, non, mais parce qu'après, ils le prennent vraiment... Moi, j'ai appris ça avec le podcast. Hein. Les gens, ils croient vraiment que tu les vises à chaque fois. Mais bon, s'ils se sentent visés quand on dit des trucs négatifs. Bon, bref. le Captain Marvel, c'est l'histoire du développement d'une femme et des combats des femmes, de comment les femmes, elles, ce à quoi elles ont à faire face. Et forcément que ça vous parle pas nécessairement, parce que vous avez pas à vivre ça dans votre quotidien. Les femmes, si. Et du coup, c'est l'histoire d'une femme. Et les femmes, elles ont pas les mêmes enjeux et les mêmes trucs que les hommes, parce que c'est pas du tout la même façon d'être traitée dans la société. Et c'est ça aussi avec Rey, etc. Et dans ce podcast, ils en parlent de ce côté, le développement de the heroine's journey. Le voyage de l'héroïne qui est pas pareil que celui de voyage du héros, et qui en est en plus un prolongement, parce que le voyage du héros normalement doit se finir sur le voyage de l'héroïne, parce que le voyage du héros, c'est aussi trouver sa part de féminin et l'accepter. Et ça, c'est un truc que les gros rageux refusent de faire, parce que la plupart, c'est ce qu'on appelle les incels, qui ont un gros problème avec l'aspect masculinité toxique, virilité, où tout ce qui est féminin est rejeté, parce que non, c'est pas les hommes, fragilité. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, on vient au moment de conclure sur cette postlogie pour dire que, avec tous les personnages qui représentent finalement tout le spectre de la population, que ce soit chez des personnages masculins ou féminins, hein, donc des personnages hispaniques, enfin des personnages, il n'y a pas d'Espagne hein, dans la galaxie Star Wars, mais des acteurs noirs, des acteurs hispaniques, des acteurs arabes, des acteurs asiatiques, des femmes, des hommes, on a finalement une représentativité avec cette postlogie, une représentativité de couleurs qui est totalement adéquate avec celle qu'on peut avoir sur notre bonne vieille planète de notre bon vieux système solaire ennuyeux, contrairement aux différents systèmes solaires de la galaxie Star Wars. Avec encore une fois l'aspect le premier ordre, c'est que les blancs. Exactement. Même si cette fois on retrouve des femmes dans le premier ordre et Des femmes, des jeunes. Voilà, des femmes, des jeunes. Des roues. Des roues. Il y a le premier roue de la saga. Le meilleur d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En plus. Pour revenir rapidement, on a eu beaucoup de critiques sur Rey, par contre, Captain Phasma, il n'y a aucun souci. Et encore, justement. Mais vraiment, il y en a eu. Alors, pour le coup, moi, j'ai des critiques sur Phasma, par exemple, mais j'en ai pas avec Rey. Les gens étaient déçus par Phasma parce que il y avait eu beaucoup de promos dessus, mais qu'on la voyait pas assez. Mais c'est la seule critique qu'elle a eu vraiment. Mais on l'a pas traité de Mary Sue. Exactement. A pas dit qu'elle était. Elle se fait prendre une raclée par Finn. Alors non, elle a pas de Mary Sue. Mais non, elle lui défonce sa gueule. Non, non, c'est vrai. C'est elle qui le bat et c'est juste parce qu'il la entraîne à la fin. Mais oui. C'est un personnage féminin qui répond à ce qu'on attend d'un personnage justement féminin badass, comme on disait tout à l'heure. Et c'est ça. Elle est froide. C'est un robot en fait. La manière dont elle est, c'est ce que j'attends d'un personnage masculin personnellement. Enfin non, c'est pas ce que j'attends. C'est ce que j'imagine d'un personnage masculin. Justement, c'est parce que et en même temps, c'est même dans le prolongement des personnages de Gwendoline Christie avec son personnage de Brienne. C'est qu'on est sur un personnage féminin qui est badass, qui répond justement aux attentes de ce que les hommes qui acceptent des personnages féminins maintenant devraient faire. Enfin, je me suis perdu tout seul, je crois. Mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est qu'on imagine qu'un personnage féminin fort, c'est comme un homme. C'est un mec. Elle doit ressembler à un mec. Voilà. Voilà, ça surtout ça. En plus, là, il y a l'armure qui vient derrière rajouter c'est ce côté-là. Ça. Donc, tu vois pas trop que c'est une femme, donc ça passe. Du coup, elle voit ça. Personnellement, le personnage de Phasma, si on me l'avait pas dit, à part peut-être les quelques échanges qu'elle a, parce qu'elle a pas des tonnes de dialogues non plus, c'est presque un personnage non binaire finalement. Oui. Parce que ça se voit pas du tout. C'est vrai. D'ailleurs, il me semble qu'elle est jamais sexualisée, même dans son livre, si tu me détrompes. Non, c'est Mad Max dans le livre. Non. Non, non, elle a jamais de. Très intéressant d'ailleurs, ce Phasma. Enfin, qu'on en parle un jour peut-être avec toi, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus, en bien sur ou en le mal. Roman. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. En mal. Oui. Non, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais il y a beaucoup de choses à dire aussi en bien, tu verras. Oui, toutes les parties sans Phasma. Non, mais clairement, on est sur un personnage qui est jamais sexualisé, qui est même asexualisé. Je sais pas si ça se dit. Ouais, asexué. Quelque chose qui passe vraiment au dernier plan. L'armure vient rajouter ça, du coup, vient minimiser encore plus ce côté-là. Du coup, voilà, il est vraiment passé crème. Tout le monde s'est focalisé sur Rey. En plus, c'était le personnage principal, mais Phasma, elle est passée vraiment. Inaperçu, quoi. Et encore, moi, je trouve qu'il y a toujours un peu de sexisme là-dedans parce que, les gens, ils pètent un câble parce que, soi-disant, Phasma, elle est sous-exploitée, mais elle est mieux exploitée que Boba Fett, et pourtant, Boba Fett, il léchait les fesses tout le temps. Vous avez le droit, hein, de lécher les fesses de Boba Fett, y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est que, Boba Fett, par exemple, il sert pas, par exemple, au développement d'un personnage principal, alors que Phasma, elle a pas beaucoup de présence dans la saga, mais elle est super importante dans The Last Jedi parce que elle permet à Finn de grandir. Oui, oui. Et aussi, elle lui défonce sa gueule. Et aussi, politiquement, quand tu regardes dans le set, elle montre aussi que le premier ordre, à l'intérieur, il n'y a pas que des gens qui sont fidèles et loyaux. Mm-hmm. C'est genre, elle préfère sauver sa peau que sauver le premier ordre. Et ça montre que c'est pas un système qui fonctionne parce que tu n'obtiens jamais de la loyauté avec la terreur. Enfin, après, c'est un peu spécifique à Phasma si on se fie au bouquin. Oui, oui, c'est parce que c'est une mercenaire. Mais... quand tu t'en tiens au film, tu connais pas ça. Ouais. Ouais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai détesté, enfin, j'adore le 8, hein, mais j'ai détesté le fait que la scène où elle meurt, ils aient pas mis celle qui avait été tournée à la base. C'est celle où Finn dit au Stormtrooper qui l'accompagne, t'as dit à tout le monde que c'était toi qui avais désactivé les boucliers, et là-dessus, elle bute les Stormtroopers qui sont autour d'elle. Je trouvais que c'était tellement raccord avec l'épisode 7, quoi. Et là-dessus, ils ont coupé ça et ils ont fait cette scène à la place que j'apprécie beaucoup moins. C'est vrai. Ça aurait apporté beaucoup au personnage, mais bon. Ouais, mais elle crève juste après. C'est ça. Je pense que c'est ce qui a motivé le changement de la scène. Oui, je pense aussi. Parce que là, en fait, c'était le but, c'était de montrer Finn et son évolution. Ouais. Et donc malheureusement du coup ils se sont dit bon bah Phasma elle passe à la trappe. Faut se concentrer sur Finn. Ouais. Ouais, c'est un peu le souci hein dans le truc mais moi tout ce qui me dérange c'est que j'adore Gwendoline Christie, j'aurais aimé la voir plus longtemps dans les films, c'est tout. Après ce qui arrive à son personnage, c'est pas grave en soi hein, mais heureusement il y a Résistance, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Oh. D'ailleurs, on va y venir à Résistance. On va y venir. Ouais. Non, mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant, c'est justement, on a parlé plusieurs fois de The Last Jedi, on n'a pas beaucoup parlé de Rose et de la réponse à Rose. Et justement, on peut en parler là, c'est que elle est, enfin, les gens ont remarqué hein, que Rose, par exemple, il y a eu Kelly Marie Tran à la célébration, elle est venue à la D23. Par contre, le personnage de Rose, elle est presque pas dans le merch. Ils avaient présenté pour le Force Friday un t-shirt. Ah, attention, plusieurs produits. Attention, tu vas un petit peu vite, tu contextualises pas. Laisse-moi finir. Tu parles du neuf. Non, il était en train de venir. C'était le merch du neuf. C'est trop long. Mais voilà, c'est oui pour le merch du neuf. Pardon, tu as raison. Il y avait un t-shirt rebelle avec juste Rose dessus. Et en fait, en magasin, il y a exactement le même, mais sans Rose dessus. Donc juste rebelle. Il y a plusieurs affiches où il y a Rose dessus et soit elle a complètement disparu, soit il y a cette espèce d'immondice de Claude à la place. Pour ceux qui n'ont pas vu Claude, c'est le choix-peau avec des pieds et une tronche de merde, blasée, de mollusque bizarre. C'est pas Babou Frick. et tout ça, c'est clairement une réponse. Spoil gentiment quand même légal. Hein. Comment? Bah, pour Claude, on spoil gentiment. Bah non, c'est juste un alien, mais tu sais pas à quoi il sert, quoi. C'est juste, justement, c'est ouf qu'il remplace Rose sur certains produits, alors que... Oui, mais vous me grondez quand je passe une photo de trucs comme ça, sans mettre les mots-clés, alors. Mais non, là, on n'a pas mis la photo. Mais t'as raison. Oui, bon, d'accord. l'alien, je me souviens que j'avais vu un truc qui m'avait choqué, c'est quand le design de l'alien était sorti, j'avais vu des haters sur internet dire ah, putain Rose elle a changé quoi. Ah oui. Première réaction. Ouais, ouais. Ils ont un problème ces gens-là. C'est... Ah oui, tu m'avais envoyé des trucs putain. Mm-hmm. Alors que encore une fois, Kelly Marie Tran, elle a eu un accueil phénoménal à la célébration, elle a eu une standing ovation, tout ça, tout le monde adore cette actrice et son personnage. Et t'as juste des bandes de racistes misogynes qui sont persuadés que c'est la pire ces espèces de d'immondes fils de chiens qui vont faire on vient l'insulter tous les jours mais c'est pas elle, c'est son personnage, mais allez crever bande de connards. C'est ces mecs là, c'est littéralement les mêmes que ceux qui ont failli pousser Ahmed Best au suicide parce qu'il avait joué Jar Jar. Et je suis désolé, je dis des insultes, mais ils méritent pas de respect ces mecs. Ils méritent pas de respect, justement. Donc après The Last Jedi, ils l'ont fait partir d'Instagram, hein, comme ils avaient fait à Daisy Ridley. Et non, c'est pas parce qu'ils sont sexistes, hein, c'est à cause des personnages. Hein. Oui. Et je suis désolé. Vous pouvez vous dire ça autant que vous voulez, c'est faux. c'est faux. Et même si vous croyez que c'est vrai et que vous êtes pas sexiste, c'est faux. Vous êtes misogyne. Voilà. Parce que oui, en gros, les seuls reproches qu'ils essayent pour justifier le, enfin pour justifier leur haine de Rose, les seuls reproches c'est mais elle empêche Finn de mourir. Oui, mais Finn il serait mort, ça aurait servi à rien. Je veux dire, il allait pas avec son vaisseau tout déglingos, il allait pas péter une arme aussi puissante, ça aurait rien fait. Mais non, c'est juste un moyen d'être des gros connards, racistes, c'est juste de la misogynie, sexistes. Parce que en plus, voilà, Daisy Ridley, c'était juste une fan blanche. Hein. Mais alors là, Kelly Marie Tran, en plus, en plus, elle est bridée, hein, putain. Et elle a un personnage qui est très naïf dans le sens, enfin pas naïf dans le sens négatif, naïf dans le sens où c'est quelqu'un qui est plein d'espoir, qui en même temps a vu beaucoup de trucs horribles et qui justement essaye d'en faire le meilleur et de rester positive et d'améliorer la vie des autres malgré ce qu'elle a vécu. Et ça, les mecs, ils supportent pas ce genre de personnage de qui est pas la femme forte juste comme on disait avec Phasma, froide et sans profondeur. Okay. Après je trouve qu'il y a quand même un petit problème de marketing de la part de Lucasfilm, parce que bon, on vient de le dire, hein, elle n'est pas mise en avant du tout. Ouais. Est-ce à cause des critiques suite au 8, je ne sais pas, mais ça en devient vraiment grave, parce que moi récemment là, je suis tombé sur une photo qui représentait la gamme de toute la ligne de pop de l'épisode 9. Mmh, et il y avait dedans, en plus. Et ben oui, mais il y avait un personnage féminin, je dis putain, c'est qui celle-là? Je voyais bien que c'était quelqu'un, je fais, ah, une actrice que j'ai pas vue, un personnage que j'ai pas vu passer et tout. Et c'est qu'en lisant le titre de l'actu, les gammes de pop avec le nom des personnages, j'ai fait, ah, mais oui, merde, c'est Rose, quoi. Et vraiment, ça m'est pas venu à l'esprit que ça pouvait être elle. Et elle est totalement absente et je trouve ça dommage. Parce qu'en plus, elle a changé de tenue et de coiffure. Du coup, tu la reconnais pas comme tu pourrais la reconnaître avec ses figurines du 8. Parce qu'on l'a très très peu vue, justement, elle. On a vu des jouets dérivés, les pop et trucs, mais on l'a pas vu elle. Et j'ai l'impression que je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui dessinait une affiche sur laquelle elle n'était pas, et qui a dit que si elle n'était pas, c'est parce qu'il n'avait pas reçu le design final sur lequel il devait se baser pour faire son affiche. Et là, récemment, il a updaté l'affiche avec elle, avec Maz. Sauf que l'affiche vendue, bah, c'est sans elle et Maz. C'est ça, parce qu'elle est arrivée super tard. Et le problème, c'est comment ils ont géré pour faire en sorte que ce personnage qui est dans le film, ils aient pas fourni les designs au marketing plus tôt. Ben, moi, je pense... Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est à cause de JJ qui veut que tout soit super secret et du coup il en voit rien. Je veux dire, c'est les mecs, ils ont dit clairement qu'ils avaient le droit de révéler que 30% du merch avant la sortie du film. Donc c'est très con, hein, moi je trouve, mais bon, c'est pas grave. Mais moi je pense que c'est surtout une réponse aux mecs qui ont décidé de faire des nouveaux montages de The Last Jedi où ils ont retiré toutes les femmes parce que attention, pas trop de problèmes. Ça doit pas durer longtemps, ça. Bah 40 minutes. Les mecs qui font des vidéos, ils crament des figurines de Rose. Ouais. Et c'est à cause de. Et moi, je suis sûr que c'est à cause de ces gens-là. J'ai acheté 3 containers de figurines. Regardez, je vais les casser devant vous. Ah, tu penses qu'en fait, ils ont fait ça pour que justement l'accueil marketing soit positif? Et ensuite, après le film, ils vont sortir plus de trucs de Rose en mode, c'est bon, pour que le pré-accueil avant le film soit positif. Tu penses que c'est pour ça qu'ils ont fait ça? En vrai, ils sortiront rien avec Rose pour être sûr que ça se vend tout court. Ou peut-être qu'ils ont pas voulu accabler trop l'actrice, hein, vu ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Elle vient aux événements. Ben oui, mais les événements, il y a que ceux qui aiment qui y vont. Je veux dire, t'es un hater de The Last Jedi, tu vas pas aller à la célébration. La meuf de campagne marketing, c'est une femme blanche, blonde, riche, américaine. Donc ça m'étonne pas qu'elle s'en fiche de la petite asiatique. Peut-être que Kelly Marie Tran, dans son contrat, a demandé aussi à être en retrait sur le merch. Peut-être, on sait pas, mais ça se pourrait. Elle a su se préserver avec Instagram. C'est vrai. Mais ça se pourrait aussi qu'il se soit dit... qu'il voulait pas de shitstorm avant la sortie du film. Tout simplement. Oui. Mais le truc, c'est que c'était pareil avec Rey à la sortie de TFA. Vrai. C'est C'est vrai. À la sortie de TFA, il y avait presque pas de merch sur Ray. Il y avait un jeu. Alors que c'était le personnage principal, là. Il y avait un jeu Monopoly avec les personnages du set et il y avait pas Ray dedans. Ouais, ouais. Avec plein de trucs comme ça, Ray n'existait pas sous forme de figurine, il y a eu tout un truc, et après ils ont fait un petit événement en mode « Regardez, Ray, elle a enfin sa figurine !» Et tu sais, on était tous en mode « Vous nous prenez pour des cons ?» Je veux dire, ça fait plusieurs mois là que qu'on vous trash parce que c'est vous n'avez pas fait de figurine. Des fois, Star Wars, on a tendance à oublier que c'est pas juste un film, c'est quand même une machine marketing, et c'est pas de l'art pour l'art, c'est quand même, il y a tellement de conséquences, qui sont tellement de trucs qui sont liés au succès ou au nom du film que... Ils veulent être super prudents et ça se fait aux dépens de choses qui importent aux fans, mais qui n'apportent pas forcément aux actionnaires de Disney ou de je ne sais qui. Et c'est là où tu vois que c'est quand même des mecs qui prennent les grosses décisions comme ça, parce que c'est... S'ils sont prêts là, à sacrifier... Là, pour le coup, je ne pense pas que ce soit si important, honnêtement. Je ne pense pas qu'il y ait que des hommes qui sont des actionnaires des grandes entreprises. Parce qu'ils sacrifient les personnages féminins, tu vois. Ils sacrifient les personnages féminins en disant « Ouais, on veut être sûr que ça se vende. » Ça vient d'un truc misogyne et sexiste. Et bien qu'il y ait des femmes qui soient comme ça aussi, malheureusement. Le truc, c'est que c'est là où c'est ridicule, parce que du coup, les gars sont super frileux. Mais vous avez une saga qui est Star Wars. Peu importe ce que vous sortez, il y aura plein de gens qui vont venir voir. Ils vont pas avoir regardé 8 films et pas venir voir le 9. Même les rageux qui ont trashé TLJ, ils ont acheté le Blu-ray. Ils vont aller voir le 9 juste pour faire leur petite vidéo YouTube. Exactement, ils iront voir le 9 quoi qu'il arrive. Donc, ouais, mais ils vont payer des l'argument, tickets. L'argument de la prudence est ridicule quand tu es sur une saga qui est autant ancrée dans la culture générale, dans le temps en plus, une saga qui est aussi forte et qui a des bases aussi solides, t'as plus d'excuses de prudence à ce niveau-là. Ben, sur moi, j'aurais pas les mêmes affirmations, notamment vu que le dernier film qui est sorti, c'est Solo, qui a été celui qui a fait le moins de pognon, et donc à mon avis, ils doivent avoir le même genre de crainte. Mais pour moi, mais je suis d'accord avec toi, à mon avis, c'est une sorte de cercle vicieux. Ils mettent pas en avant les personnages féminins, ils mettent pas vraiment en avant les personnages féminins depuis longtemps. Donc c'est ces personnages qui se prennent le plus de critiques de la part des haters. Donc fatalement ça les effraie et donc ils vont les mettre encore moins en avant. Et donc c'est finalement tant qu'on va pas briser ce cycle, on va pas pouvoir s'en sortir. Mais le problème c'est que c'est sur des entreprises tellement grandes comme ça, c'est quasiment impossible de leur demander de prendre des décisions qui ne vont pas être favorables au bénéfice de l'entreprise. En fait, ce que tu dis, pour le coup, va dans mon sens, parce que les personnes qui menacent de boycotter la trilogie parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a des femmes, justement, ce sont un tout petit groupe d'hommes et quelques femmes. C'est un groupe minoritaire de mecs, majoritairement. Et Solo, c'est un film qui s'adressait à ce groupe-là. Oui. Le fait que Solo ait fait... pas autant de succès, c'est parce qu'il s'adressait justement à un groupe qui est minoritaire. Le public général n'en avait pas grand-chose à faire de Solo. Moi, honnêtement, quand j'ai vu qu'il faisait un film Solo, j'étais « Ouais, je m'en bats les couilles, c'est Han Solo ». Et pourtant, j'ai adoré le film. Mais c'était Han Solo, c'était pas un personnage qui me parlait, parce que ce personnage parle à une minorité. Et justement, le fait que... il n'ait pas fait autant de succès auprès du grand public parce qu'il s'adressait à une minorité, ça devrait effacer la prudence par rapport au truc général, parce qu'ils savent que même s'ils perdent cette minorité, le grand public sera là. Ben, moi, je pense que justement, c'est qu'il y a un souci, et c'est clairement pas les mêmes gens qui s'occupent de faire les films et de faire et marketing, le marketing, et ça se voit, quoi. Ça, c'est ce que je disais. Il y a un énorme il y a un problème de positionnement et de soutien même, parce que pour ne pas s'aliéner justement à cette minorité de teubés, on va retirer Rose de tout le merch, alors qu'à côté il y a beaucoup de monde qui aurait acheté du merch. Il suffit de regarder un petit peu l'hashtag qui tourne là justement suite à tout ça. Il y a énormément de monde qui se plaint de l'absence de Rose dans ce merch, et qui ont aimé le personnage dans le 8 et qui voudraient qui aimerait avoir des produits dérivés de ce personnage pour le 9, quoi. Alors là encore, je vais peut-être être plus prudent que vous, mais on dit il y a énormément de monde, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas dans le même cas où on est dans notre dans notre cercle de gens qui sont vraiment super sensibles à ça, est-ce qu'on n'est pas, justement, ça nous donne l'illusion qu'il y a vraiment plein de gens qui sont super, disons, attentifs à ce genre de discours. On a l'impression que tout le monde est vraiment outré par ce fait-là. Ou est-ce que, finalement, on n'est pas dans un contexte où la plupart des gens s'en foutent et on a une partie des gens qui vont détester ça, qu'on les retire du merchandising, et une partie des gens qui se savent très bien parce qu'ils détestent ce genre de personnage. Ben, en fait, bah, c'est ça, mais le problème, c'est que à quoi ça sert de retirer un truc à ceux qui aiment, alors que ceux qui aiment pas, ils pourraient juste se contenter de pas acheter, tu vois ce que je veux dire? Ça me rappelle. Parce qu'on a bien vu qu'ils font pas ça. Les mecs à Disney, ils ont bien vu que c'est pas ça ce qui se passe. Quand on met un truc qu'ils aiment pas, ils vont gueuler, ils vont faire du bruit. Et ils ont peur que ça se reproduise. Ce qui est mais con. Ils l'achètent pour pouvoir le casser. Donc, ça fait une vente quand même. Ils l'achètent quand même. Ah, et c'est les youtubeurs qui les achètent. Ça fait pas grand monde non plus. Et il y en a quelques-uns. Hein. Oui, effectivement, on est dans l'autre cercle. On voit des gens qui seraient pour voir Rose dans le merch, etc. Mais je pense que... Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs. Je pense que tu oublies qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont plus de femmes qu'avant qui regardent Star Wars, qui ont aimé Star Wars, la postologie. Et il y a énormément de femmes qui apprécient le personnage de Rose et qu'on oublie peut-être nous plus facilement à prendre en considération. Oui, donc, je sais, justement, moi, c'est toujours un truc que je me demande parce que. Il y a peut-être beaucoup de mecs qui s'en foutent de voir Rose ou pas dans le merch ou de voir Rose ou pas dans le film, mais peut-être pas, les femmes, peut-être pas. Mm-hmm. Ben, justement, moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on pourrait mesurer ça de manière fidèle. Parce que je me demande si l'écho que ça a sur Twitter, c'est une bonne représentation. Parce que je sais pas, ils ont fait combien? Ils ont fait 1 milliard et quelques en termes d'entrée. Je sais pas en termes de nombre de gens qui vont le voir, combien ça fait. Est-ce que Twitter est bien représentatif de ces millions de gens qui vont voir le film? Et est-ce que ces millions de gens sont vraiment super sensibles à toutes ces questions-là? Alors, y a un truc, justement, on parlait de Ashley Eckstein tout à l'heure, et justement, donc elle a un site de merchandising, hein, Earl Universe, et elle disait justement que les personnes qui achètent le plus et payent le plus, c'est, d'après les données de qu'elle a, c'est les femmes. Et du coup, ça reste quand même dans la lignée de ce qu'on disait, que... Pourquoi baisser la tête face aux mecs alors que c'est même pas eux qui rapportent le plus au final. Je suis d'accord avec toi. Moi je pense vraiment pas que je pense pas parce que c'est parce qu'ils font du bruit qu'on doit les écouter. J'ai juste moi je fais vraiment pas confiance et c'est pour ça que des fois je suis un petit peu hésitant. Sur Kathleen Kennedy, même si elle fait vraiment ce qu'elle peut, je suis toujours très hésitant sur le fait de faire confiance aux grandes entreprises qui doivent répondre à plein de gens et notamment à des actionnaires sur le fait de vraiment changer les choses. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu hésitant de les placer comme des fers de lance pour changer les mentalités des gens. Donc voilà, j'ai toujours tendance à penser qu'ils vont prendre la solution la moins risquée pour garantir le fait qu'à la fin du trimestre, ils vont pouvoir présenter un bon bilan aux actionnaires d'entreprise. Et donc, ils vont essayer de prendre le moins de risques possible, incluant le fait de retirer Rose ou... là, on parle, en l'occurrence, c'est de ça dont on parle. C'était une très grosse diversion. Digression, pardon. Ce que je disais, c'était que dans la nouvelle, depuis le rachat, on a asiatique, hispanique, noir, arabe. On a vraiment tout le spectre qui commence à être représenté, même si j'estime, et je me permets une petite critique dans la nouvelle depuis le rachat, que je trouve que même si on a une représentation adéquate de la population terrienne, je trouve que la représentation n'est pas forcément adéquate en termes de population galactique, notamment en personnages, on va dire, aliens, au sein de la résistance, je trouve que c'est le premier mouvement un peu rebelle qui est beaucoup dépourvu de figures aliens. Notamment. Plus que l'Alliance, tu trouves ? Peut-être pas plus que l'Alliance, mais si on prend la République pendant la prélogie, on a une représentation beaucoup plus importante. Après, c'est pas la même échelle. C'est vrai. Non plus. C'est vrai, mais on est de nouveau dans un mouvement qui représente les opprimés, et Dieu sait que le Premier Ordre opprime les aliens. Et là-dessus, au-delà d'une représentation quelconque, enfin plus importante dans les films, je voudrais juste dire que en personnage principal alien, j'ai essayé de réfléchir, j'ai réfléchi beaucoup, et j'ai eu que bon, Chewie évidemment, Jar Jar en principal le temps d'un film, on a vu ce que ça a donné, et enfin, si vraiment j'ai voulu en rajouter un troisième, j'ai mentionné Rio dans Solo qui fait même pas une moitié de film. Voilà, donc en 11 films, je trouve que c'est assez peu, et heureusement derrière on a toutes les séries qui, elles, ont fait beaucoup de travail en termes de représentation, on va dire graphique, hein, pour les avoir visuellement, tout comme les jeux vidéo. Bon, on va mettre Fallen Order pour l'instant de côté. Et surtout, on en a bien parlé de ça. Très bien, vous avez eu raison, je pense. Et surtout, une très forte représentation de toutes les races aliens dans les livres et les comics. Parce que oui, aujourd'hui, les livres et les comics sont les médias qui donnent la représentation la plus juste de toutes les minorités qu'on peut trouver, notamment une grande minorité laissée pour compte dans tous les médias vidéo, à l'exception d'un, mais on va y venir, c'est les minorités LGBT. On va y venir tout de suite. Oui. Dans la représentation LGBT, mais je voulais juste rebondir rapidement sur Chewie, oui. Pas sur lui-même hein, directement. Ça doit lui faire mal, le pauvre. Ça fait pas du bien, mais on a un personnage qui quand même, voilà, relativement principal, mais qui est assez maltraité au début de la saga. Hein, je veux dire. Il alterne entre le sidekick bourrin et l'animal de compagnie. On sait pas trop comment il se positionne dans l'épisode 4. Il a pas droit à sa médaille à la fin du film. C'est un peu le laisser pour compte, hein, malgré tout. Ouais. Il est pas traité à égal avec Luke et Han à la fin du film. Enfin, maintenant, ça me saute aux yeux à chaque fois. Il y a ce petit truc. C'est évident. Mais après, je me demande si, de la même manière que tu parlais du problème pour les autres films, enfin, tu parlais de la postlogie, le problème de la représentation, je me demande si c'est pas le même souci, si c'est pas juste une contrainte technique dans la trilogie originale. Bon, c'était chaud de lui donner de la. À la limite, les autres personnes auraient pu mieux le traiter, mais c'était compliqué de lui donner de la complexité vu que c'est compliqué de faire transparaître des émotions avec un costume. Et puis pour la postlogie, est-ce que c'était peut-être encore un petit peu chaud d'avoir un vrai personnage sur lequel on se concentre tout le temps, de le rendre crédible au niveau de l'aspect physique. Mais t'as pas besoin d'aller chercher bien loin. T'as des Twi'leks, t'as des comment ils s'appellent, des Pantoranes. Ils sont juste bleus. C'est facile. Ils sont un peu bleu violet. Voilà, je veux dire, si on arrive à faire une Nebula dans le MCU, on peut très bien faire un Pantoran dans Star Wars. Non, je conçois, j'essaie juste d'essayer de comprendre ce qui pouvait éventuellement avoir des excuses autres que non, on n'avait pas trop envie en fait. Je vais y venir hein, à part les contraintes techniques et budgétaires. Ouais, ça a coûté cher de faire un alien en effet visuel pratique et pas uniquement ou entièrement CGI. C'est Star Wars au niveau budget. C'est je Star pense Wars que... quand même. On est d'accord, mais ça ou représente alors... un challenge supplémentaire. Après, il y a le côté effectivement, est-ce que les spectateurs vont s'identifier au personnage si c'est un alien. Or, on voit très bien avec Rebels, avec Resistance, qu'il n'y a pas besoin de ça. Parce que c'est l'excuse qu'ils ont donné pour Fallen Order. Mais oui, non, mais. Fallen Order, c'est un jeu fait par des mecs blancs pour des mecs blancs. forcément que... Il y a plus de... Enfin, je sais pas combien... Attends, je crois que c'était 2008. Il y a 11 ans de MCU derrière, avec des tas d'aliens en veux-tu en voilà, c'est bon. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est spécialiste des comics, comme t'en parlais. Oui. Est-ce qu'il y en a des exemples de séries comics où le personnage principal est alien? Alors, depuis le rachat, est-ce qu'on a eu ça? Je crois pas, non. Attends, je les ai juste en face de moi, en plus, c'est magnifique. Il y a eu un comic où le personnage principal, c'était Hondo, mais c'était un one-shot. Non, il y a un personnage secondaire dans Kanan qui est là tout du long. Bah si, il y a Dark Maul. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, il y a Dark Maul. Bon, bah ça en fait un. Dark Maul, il y a Chewbacca. Il a sa série principale. Ok, je savais pas. Ouais, il a une mini-série. Ok, ok, ouais. Bah, et voilà, on a à peu près fait le tour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu... Ouais, mais Throne, c'est sur... Enfin, le... C'est une adaptation. Ouais, ouais. C'est... Lui, c'est, oui, c'est un une adaptation. Livre. Lui, c'est des livres. Mais lui, c'est bien. Okay. Alors après... Alors qu'en roman, par exemple, il y en a plus quand même. En roman, t'en as sur Hera, t'en as sur Ahsoka, t'en as sur Throne. Voilà. C'est peut-être parce qu'on n'a pas plus l'aspect visuel, j'en sais rien. Mais pour être tout à fait honnête, pour moi, Throne Dark Maul, c'est des aliens, mais c'est quand même un peu triché. C'est pas des aliens méga exotiques. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est humanoïdes. Ouais. Bah, tous les ça commence un peu. On commence à avoir des différences un peu significatives. Oui, t'as Ahsoka aussi qui en a un peu plus. Mais non, l'alien le plus alien, on va dire, qui a eu droit à ses propres histoires, c'est Chewbacca. Mm-hmm. Ok, voilà. Cool. Il le mérite. Il n'y avait pas des trucs sur Yoda? Non. Il y a une BD sur Yoda, c'est vrai. Une BD sur Yoda dans la série Star Wars, mais faut pas en parler de cette BD. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, non, dans la BD, il y a Luke qui fait un massage cardiaque à une montagne pour la réanimer. Voilà, c'est un peu extrême. Ok, c'est Monsieur Luke, grosse coucou. Ouais, en plus, il utilise la force pour faire le massage. Bref, c'est une horreur. Donc, au-delà de la représentation des différents aliens, une représentation laissée pour compte, de côté par tous les médias vidéo, à l'exception d'un, on va y venir encore que, ce sont les LGBT. Et donc, quand je dis qu'il y a une petite exception, c'est que cette année 2018-2019, la série Star Wars Resistance a commencé, et dans cette série, nous avons deux petits personnages très attachants dont j'ai oublié le nom. Il y en a juste un qui Flix finit comme Netflix. Voilà, Flix et Orca. voilà que j'appelle le poulet et le rat, qui sont quoi? C'est une chauve-souris. C'est un rat, c'est un chat de Rafan. C'est une chauve-souris. C'est un chat de Rafan, on est d'accord. Un quoi? C'est un chat de Rafan, la race. Ah, la race, pardon. Oui. Chat de Rafan, je crois. Ça ressemble à un rat. Ça ressemble à une chauve-souris. Ok, je le poulet et la chauve-souris. Ouais. Il y a des gens qui disent que ça ressemble à des cochons ou à des bocoblins. L'emplumé et le poil rat. Qui sont deux garçons et dont les créateurs ont confirmé que d'après leur vision, la vision qu'ils ont de la série, ces deux personnages sont en couple. D'ailleurs, à un moment, un des deux est invité à un repas chez l'autre, dans la famille de l'autre. Chez la mère. Voilà, chez la mère. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment, parce que j'ai essayé de faire des petites recherches, que les doubleurs de la série, notamment d'un des deux personnages, a dit que si jamais on lui demandait si les personnages étaient en couple, il devait répondre que ah, je me souviens plus. Bah, super. Tout ça pour bref, ça. Bref, il avait un élément de langage qui lui avait été transmis, qui disait que, bah, en tout cas, ils étaient très proches. La preuve, il est invité à manger chez sa famille. Ils sont pas mariés, ils sont juste fiancés. Celui qui joue Orca, je crois, à la célébration, il était vraiment, enfin, Il voulait vraiment qu'il soit en couple, ou en tout cas, il voulait vraiment essayer de le dire, parce que juste... Ouais. Ça se voyait qu'il était à fond là-dedans, et qu'il aimait leur relation, etc. Et c'était vachement cool de voir ça. Donc voilà, donc on peut dire que d'un certain côté, on a visuellement, dans un média vidéo, une première représentation d'un couple, au-delà d'un couple homosexuel, on peut même dire un couple pansexuel, puisqu'on a deux espèces différentes, représentées à l'écran. Reste que l'orientation de ces personnages n'est pas explicitement définie à l'écran, donc ça reste d'un certain côté un manque de représentation de cette minorité. C'est tout à fait ça. Je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est comme Kanan et Hera, je veux dire, dans la première saison, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a pas besoin de voir voir faire le truc leur clinique. Voilà, le seul problème, c'est que... Il y a un sous-texte, mais voilà, cette série est pour des enfants de... Ouais, je t'en prie. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que le seul problème, c'est que quand il y a un sous-texte dans un couple hétéro, tout le monde va sauter dessus. Parce que, c'est logique, c'est un homme et une femme, ça baisse. Mais quand il y a un sous-texte sur un couple homo, les gens vont tout faire pour dodger en mode, non, tu cherches trop loin. C'est toi qui vois ça, mais nous, oui, pour nous, c'était clair que Flix et Orca, c'était un couple. Et en plus, quand ils ont dit, on va passer le week-end chez ma belle-mère, moi j'étais, oh mon Dieu, ils sont mariés! Heureusement, pour ceux en manque de représentation LGBT dans les médias Star Wars, les romans et les comics sont venus combler ce vide, parce que oui, dans les romans et dans les comics Star Wars, on trouve, je vais pas aller jusqu'à dire pléthore, mais on commence à trouver un certain nombre de personnages lesbiennes, bi, gay, ou même pansexuels et non-binaires. Non-binaires, voilà. Ouais. Et un exemple le plus frappant, le plus connu, il est actuellement en train de me lécher la main. ma fifi, viens là. L'exemple le plus connu, c'est Aphra. Tu dis bonjour, fais miaou. Non. Non, elle veut pas. C'est Aphra, donc personnage introduit dans la série de comics Dark Vador, qui a ensuite eu droit à sa propre série de comics, dans laquelle elle trouvait, je cite, une impériale tout à fait à son goût, impériale qu'elle finit par mettre dans son lit. En plus, Aphra, c'est censé être un personnage asiatique, il me semble. Enfin, un personnage, asiatique. Asiatique. Oui, on va dire métisse. Métis asiatique. Okay. Oui, son père, voilà. Il est blanquitos. Okay. Voilà. Et ça... Oui, c'est vrai. Que... Oui, c'est vrai aussi. Oui. Et donc, on a ce personnage qui nous a montré pour la première fois dans une, visuellement en tout cas, un baiser entre deux femmes dans l'univers Star Wars. Chose qui n'était pas la première fois. En tout cas, non visuel, puisque dans certains romans, on avait déjà eu, avant le comic Safra, des couples de femmes, je pense par exemple à Aftermath, Riposte, pardon, en français, Riposte, une mof lesbienne qui aimait se taper des tas de Twi'leks dans Les Seigneurs Sith, des personnages binaires, dont un des personnages principaux de, alors en français, Last Shot, Baroud d'Honneur, si je dis pas de bêtises, voilà, ou encore un autre Taka, qui, je tiens à le préciser pendant qu'on parle de lui, a été mégenré dans la traduction française, puisque le personnage était clairement non-binaire en anglais, et en français, la traduction a fait de lui un homme. Et tant qu'on en parle, donc moi j'ai pas lu les bouquins, ni celui où c'était mégenré, et je connais pas bien ces questions-là, comment ils ont fait dans la version corrigée pour, Ils n'ont pas corrigé la version. Enfin, pas corrigé, mais je veux dire la version où ils ont fait les choses correctement. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Donc, dans Baroud d'Honneur, l'auteur en VO avait choisi d'utiliser le pronom neutre « they ». Ok. Qui est le qui est normalement le prénom pluriel, enfin le pronom, pardon, le pronom pluriel anglais. C'est le pronom neutre aussi. Hein. Voilà, et qui est utilisé par, qui est utilisé comme pronom neutre aussi au singulier. Oui, et depuis très longtemps. Ça, hein, donc c'est un truc de, c'est un règle. C'est avant d'être une écriture inclusive. C'est non, mais c'est vrai. Mais c'est non, mais je rigole parce que vas-y, vas-y. C'est utilisé comme le, un peu comme le on aussi. C'est vraiment un pronom qui peut être utilisé au singulier neutre en dehors du truc LGBT, etc. C'est un truc qui était déjà utilisé comme tel avant que ce soit en plus maintenant utilisé par des gens qui s'identifient comme non-binaires. Donc ça, c'était pour Baroup d'honneur. Et pour Dette de vie, dans ce livre, l'auteur, bon, c'est Chuck Wending, hein, il aime faire les choses à sa manière, n'a pas voulu utiliser ce pronom neutre they, et donc il a créé son propre pronom qui est zi, zhe, donc qui est un genre de chi mais un peu modifié, voilà. Et donc, qui me semble avoir déjà vu ailleurs, ça me dit quelque chose. Oui, je pense. Enfin, j'avais fait des petites recherches et je l'avais vu à d'autres endroits aussi. Donc, Chuck Wending a utilisé ce Z et Pocket a fait le choix dans la traduction française, tout simplement, de garder ce Z en mettant une petite note de bas de page pour expliquer quel était ce pronom et ce qu'il signifiait. Alors qu'il y a des pronoms neutres. Oui, alors que oui, il y a des pronoms neutres en français et notamment le traducteur de Baroup d'honneur avait dans sa traduction remis à Pocket expliqué ce qui qui était ce personnage et avait préconisé l'utilisation d'un yel pour en tant que pronom pour ce personnage, ce que Pocket n'a pas du tout respecté et en a fait un homme. La seule chose qu'a fait Pocket en plus et qui n'était pas dans le livre d'origine, c'était une petite phrase pour dire que le personnage était androgyne. Attendez là, on n'a pas parlé de Poéphine là. Vous m'avez coupé dans mon élan et vous allez me dire. Ah bah c'est le moment. Bah tant pis, on passe à autre chose. Allez, hop. Alors, parlez à ma place juste du Gungan dans le chat s'il vous plaît. Enfin, Grush, je sais que tu l'aimes bien. Ah oui, c'est vrai, il y a le. Il y a un truc à dire là-dessus, j'aimerais bien qu'on en parle de ce Gungan parce qu'il est génial. Il y a aussi le Gungan dans le. Dans la chat, c'est vrai, où il y a Anne qui arrive et qui commence à lui faire oui, vous ça, mis ça, et puis t'as le fait non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, ouais. comme ça, je viens pas de là-bas, moi. Du coup, c'était marrant parce que c'est toujours drôle quand Anne il passe pour un con. Un peu comme Anakin. J'adore comment tu le dis. Mais ouais, moi j'ai bien aimé le livre, alors en plus. Non, mais Anne, de toute manière, c'est un homme faible. Oui, c'est ça. Et Taka, c'est un ou une. Alors, d'après Pocket, c'est un personnage androgyne fort. C'est un mec androgyne fort. Oui. Blablabla. Donc, représentation LGBT. Et nerf sexuel dans la trilogie Riposte. Il y a plusieurs exemples. Lesbienne, on a cette meuf vous connaissez Snap Wexley dans l'épisode 7. Ouais. Ah oui, il a deux mamans. Non, il a deux tatas. Voilà. Deux tatas. Donc la. Deux tatas, attends. Oui, deux tatas. Ah mais là, oui, c'est vrai, oui, bien sûr, oui. Sa maman avait une sœur, et sa sœur, elle a une femme. C'est vrai. Voilà. Ça marche très bien. Mais oui, ça marche très bien, c'est très beau. Du coup, moi, je voulais dire ce que j'aime bien aussi avec ce qui a été introduit par tout ce qui est médias non vidéo par rapport à la postlogie, et qui est dommage qu'on n'ait pas encore en vidéo, c'est le fait que Leia est bi et que Holdo était pan. Et ça, c'était vachement cool. Mmh. Parce qu'on a eu une scène, je crois que c'est dans un comics, si je dis pas de bêtises. C'est pas dans un bouquin? Je sais plus. Je crois que vous aviez dit, c'était les bouquins de, comment elle s'appelle? Celle que tout le monde adore. Claudia Gray. Ouais. C'est dans Princess of Alderaan, c'est ça? Ok. Bon, Oui. Je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps de lire des bouquins. Ouais. Non, mais vas-y, parce que ça me dit rien. Si tu racontes la scène, ça va me revenir. C'est en fait. Leia et Holdo discutent ensemble, parce que ce sont des amies de jeunesse. Elles ont fait, si je dis pas de bêtises, la même école. Ouais, elles ont fait un programme d'entraînement ensemble. C'est ça. Et. Et elles parlent de leurs attirances amoureuses, sexuelles. Et en gros, Leia dit qu'elle aime les hommes et les femmes humains. Et Holdo lui répond « Ah, oh, c'est tellement dommage de se restreindre. » Ouais, ça doit être dans le roman, ça, ouais. Ouais. Et du coup, c'est vachement cool, dans le roman. Parce que ça... Mmh, ouais. Enfin, c'est cool. D'avoir Leia qui est bi et Holdo qui est pan. Bah, un autre enfin bi slash pan, il y a Lando. Oui. Donc au-delà du fait il que... Il est même mécanophile. Oui. au-delà du fait que Donald Glover a dit « Bah oui, évidemment que Lando, il est... » Dans un comics, Lando raconte une histoire où il était avec une femme et il dit que dans l'histoire, le mari de cette femme, qui était une extraterrestre, enfin une alien, les a surpris et bah ils ont fini par faire ça tous les trois. Génial. C'est vraiment Lando. C'est merveilleux. Voilà. Dans la shot, il finit avec une Twi'lek aussi. Enfin, oui. Ça, ouais. Et il y a une relation très particulière avec L3, même si on rigole de ça. Mais oui. Il y a un sous-texte dans le film, on peut pas le nier. Ah oui, il est clairement amoureux d'elle. Hein. Oui. Elle le dit clairement. On le fait fonctionner. D'ailleurs, ça voilà. Me faisait et je vais poser une question. Vas-y. Est-ce que les droïdes doivent être considérés comme faisant partie de cette représentation? Parce qu'on parle de la représentation... humaine, mais est-ce que les droïdes devraient pas en faire partie non plus? Bah, L3 est considérée un peu comme une droïde lesbienne. Une droïde attirée par d'autres droïdes féminins. Elle dit explicitement qu'avec Lando, ça pourrait pas fonctionner et qu'elle lui a dit, malheureusement, elle ne pourrait pas. Ouais. Donc voilà, c'est des petites choses assez amusantes et qui peuvent, et qui font plaisir aux lectures. Personnellement, je trouve. Et c'est d'autant plus intéressant que en Legend, dans tous les romans et dans tous les comics, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, en tout cas en représentation LGBT. Il y a eu quelques retcons suite à certains médias. Je me souviens d'un personnage du jeu KOTOR. Plus tard, on a dit qu'elle était lesbienne, mais c'est quelque chose vraiment de propre au canon depuis le rachat. Et c'est bien. Oui. Ok. C'est très bien. Mais ce qui est moins bien, c'est que dans les films, ça continue à être dodgé ou dit après. Et pour venir au Storm Pilot, il y a beaucoup de gens qui ont vu depuis TFA que la relation entre Finn et Poe avait l'air romantique, notamment sur la manière dont Poe regarde Finn, s'adresse à Finn, se mordre la lèvre en regardant le visage de haut en bas de quelqu'un. C'est pas le genre de truc qu'on fait trop avec ses potes. Enfin, perso, moi, je... Ah bon? Alors, Matt, toi et Grushkov, vous n'êtes pas juste potes. Oh. Ça a été confirmé entre guillemets par Oscar Isaac qui a dit qu'il avait joué TFA comme un film romantique. Et depuis quelque temps, depuis la célébration, tout ça, pour la promo du 9, il joue beaucoup sur ce truc-là, avec John Boyega qui fait semblant d'être jaloux que le personnage Poe ait pu avoir des romances avec une des nouvelles femmes, enfin ce genre de truc. C'est très sous-entendu, mais voilà, John Boyega joue le copain jaloux et Oscar joue le copain rassurant. En mode mais ça c'est du passé, c'est toi que j'aime, et à chaque fois qu'on lui pose des questions il revient toujours à dire que c'est Finn l'homme de sa vie, que Poe il a trouvé un sens envers Finn, etc. Et le truc c'est que du coup ce serait bien que ça confirme ce couple qu'on ait un couple gay à l'écran en plus dans le film qui clôture les Skywalker, mais il y a aussi une grosse peur que ce soit juste du queerbaiting et qu'au final ça se réalise pas dans le film. Parce que ça, ce serait un peu dégueulasse de brancher les gens pendant tout ce temps en mode « Ouais, ouais, il y a un couple gay, les deux des personnages principaux, c'est des gays. » Mais et personne n'a dit ça. Bah ouais, mais ils arrêtent pas de le faire. Ouais, mais c'est les acteurs. Bah c'est ouais. Que les acteurs. Mais ça s'appelle du queerbaiting et c'est pas un truc bien. Bah ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai complètement abandonné. Je pense que le premier couple à l'écran qu'on verra, bon, au-delà les séries animées, ça sera dans une des séries Disney Plus. Je suis persuadé que le premier qu'on verra à ce niveau-là, il sera dans les séries télé Star Wars. À part Flix et Orca, tu veux dire? À part Flix et Orca, voilà. Tu veux dire un vrai couple, ça sera Pedro Pascal et... Oh, on veut voir des Mandaloriens baiser en armure. Ça doit pas être très pratique. Surtout après Funelli dans les... à cause du slip. C'est un peu compliqué. Mais ouais, du coup, je disais, là, dans la promo, ils arrêtent pas de faire des allusions, des trucs comme ça, mais... Ouais, si y a rien derrière, c'est vraiment moche, quoi. Ouais, ouais. Mais, et en plus, de manière canonique, il y a rien entre eux, et il y a quelque ouais. chose entre Finn et Rose, et du coup, ouais. Est-ce que j'ai vraiment... envie que Rose elle s'en prenne encore plus plein la gueule alors que ah ouais la peau après tout le truc c'est chaud en fait hein c'est... Le problème c'est que vu que c'est des trous ducs ceux qui s'en prennent à Rose, peu importe ce qui arrive, ils trouveront un moyen de s'en prendre à elle. Si elle sort avec Finn, ils trouveront un moyen de dire que oh, c'est trop nul, il méritait mieux, et si, ou elle sert à rien juste à être la copie de Finn, ou si elle sort pas avec lui, ils seront en mode bah, de toute façon elle est tellement nulle qu'elle pouvait pas sortir avec lui, ah c'est bien fait machin, enfin ils trouveront toujours un truc de toute façon, donc on s'en fout, ils comptent pas. Ils peuvent pas faire un trio Ouais, ouais, faites un trouple, genre. Ce serait vachement ouf. T'imagines, ils sont polyamoureux et tout se pend. Allez hop. Ouais, ouais, et t'imagines, ils font ça avant de faire un simple couple gay, simple, entre guillemets. La troupe, ça sera pour les représentations des minorités à venir pour les films dans 15 ans. Oh yes. Pour la trilogie. Il faut que je sois dedans. Non, mais le monde sera pas encore prêt. Un deuxième Star Wars par Johnson, oulala. On va déjà en faire un de plus. Et les autres, on verra. Ouais, parce que je rappelle qu'il a dit qu'il allait réaliser, enfin, ils ont dit qu'il allait écrire et réaliser le premier, mais les autres, il est prévu que de les écrire. Ouais. Mais on s'en fout, il écrit quand même, c'est déjà bien. Ouais. Embauchez-moi. Je suis une bonne actrice. Ce serait bien. Je veux bien être dans un troupe lesbien. Parce que ça, c'est un petit truc dont on n'a pas trop parlé non plus. Mais voilà, derrière la caméra, c'est toujours pas folichon. Sauf, justement, avec The Mandalorian, où là, ils se sont vraiment fait plus. Pardon, j'ai roté. Bah, pour le 9, ils ont engagé... Pardon. Pour le 9, ils ont engagé une femme pour la seconde équipe. Ouais. Une femme réalisatrice. Ouais. Seconde équipe, ouais. Ouais. C'est déjà une première étape. Il y a Deborah Chow qui revient sur Obi-Wan. Et puis mais Deborah Chow, elle est déjà en plus sur Mandalorian. Et je crois que c'est une femme qui vous êtes en train de répéter les mêmes trucs en boucle. C'est vrai ? Ouais. Que celle qui gère la cohérence D'accord, non pas. Ah, poum. Oui, c'est Kiri Hart qui est la chef du story group. Voilà, la chef du story group, c'est une femme, c'est elle qui review tout ce qui est écrit, etc. Et c'est pour ça que c'est vachement... C'est une femme noire, en plus. Oui, une femme noire, en plus. Et c'est, ça, c'est cool. Ah oui, c'est... Ça fait du bien. Ah, c'est Anne Hidalgo, c'est ça? Non, donc déjà, c'est Pablo, et il est pas le chef. C'est Pablo, et il est pas le chef, et malheureusement, le story group est un peu, comment dire, compartimenté. J'aime bien faire cette blague. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui review... un type de média donné et qu'il n'y a pas forcément tout le temps de cohérence entre les différents médias. Voilà. C'est dommage pour un groupe qui est dédié à ça. C'est dommage. C'est juste que j'aime bien faire de la vanne sur Anne Hidalgo, ça me fait juste rire tout seul. Non, mais c'est bien, ça en a fait rire. Hein. C'est déjà pas mal. Pourtant, c'est okay. Plus que d'habitude. Bon, tu battu mon record. Il est temps de conclure, donc je t'invite, avec ta blague de merde, je t'invite à le faire. Bravo, Matt. Merci. Ok, ça nous laisse où tout ça? Ça nous laisse ça, que. Ça... ça nous laisse à si on reprend les flèches, on a eu une trilogie qui a été indéniablement pour son époque progressiste, notamment pour la place de la femme dans un média tel que Star Wars. Suite à ça, 15 ans plus tard, nous avons eu une prélogie qui a été presque une régression au vu de ce que la trilogie avait apporté. Le nombre de personnages de couleur n'a pas forcément augmenté et la femme a eu une place beaucoup plus romanesque que dans la trilogie. Heureusement, la postlogie est arrivée. La femme a pris une position dominante dans ces nouveaux films. Tous les personnages toutes les minorités ont été représentées par des personnages, que ce soit dans la nouvelle trilogie ou les spin-offs, minorités, on va dire de couleur. Malheureusement, un défaut reste présent dans les médias vidéo, c'est la représentation des LGBT. Heureusement, ceux-ci sont quand même très présents dans les comics et les romans Star Wars, et ça commence, on va dire, dans une série animée. Ouais. Ouais. Et on a, juste pour dire aussi, on n'a pas beaucoup parlé, par exemple, de la représentation des personnes handicapées ou des personnes grosses. Oui. Où il y a encore beaucoup de... Si, il y a Jabba. Il y a encore du chemin à faire sur plein de trucs, mais déjà on est sur une bonne base et c'est bien parti. Il faut juste que maintenant en fait Disney comprenne qu'ils sont dans une position très très forte et dominante sur le marché et que donc c'est plus juste faire du progressiste. Maintenant il faut qu'ils fassent un pas en avant et qu'ils fassent comme Star Trek avait fait à son époque, en mode lancer. La nouvelle ouverture et la nouvelle représentation en osant des choses, en osant mettre des couples gays à l'écran parmi les personnages principaux sans que ce soit forcé et sans que ce soit ça le centre de leur histoire, et montrer que ouais, on peut avoir une grosse licence qui touche le monde, qui est pour le grand public, et qu'on peut avoir des couples gays et qu'on peut avoir plein de diversité qu'on voit pas ailleurs, et que s'ils le font, ça va ouvrir la porte pour beaucoup, beaucoup d'autres studios et d'autres gens qui osent pas parce qu'ils ont pas forcément une base aussi solide que Disney. Sans vouloir relancer, parce qu'il faut conclure, mais je crois que le marché chinois fait que aussi. C'est pas forcément le bon calcul économique de faire ce genre de choses maintenant, hélas. Ah ouais, mais faut pas laisser les homophobes et tout ça gagner. On est bien d'accord, hein, mais d'un point de vue d'un calcul capitaliste, comme on disait avant, t'essayes de froisser le moins de monde, et le marché chinois, c'est assez énorme. Sauf que comme on vient de le prouver, de le montrer, d'en parler, ça fait partie de l'ADN de Star Wars depuis le début, et c'est un héritage qu'il ne faut pas perdre, et qu'il faut au contraire faire perdurer. Ouais. Mmh. Et si personne ne bouge là-dessus en disant « Oh, il y a certains marchés qui vont pas », ça bougera jamais. Je veux dire, le marché chinois, il finira par suivre quand il verra qu'il aura plus rien à se mettre sous là-dedans, parce que rien correspondra à ce qu'il autorise. Bien sûr. Non, je parlais juste du contexte actuel. Hein. C'est pas pour excuser ou quoi. Hein, mais... On parlait du fait que Star Wars a toujours été le fer de lance là-dessus. Ça a quand même commencé sur un petit film. Un petit film dans lequel la Fox avait pas confiance. Et il a pu se permettre d'avoir des positions fortes sur des personnages qui sont pas juste des personnages féminins qui sont pas juste là pour se faire balader par les héros. Oui, c'est ça. C'est peut-être là que le changement va être. Donc c'est pour ça que je me demande si Star Wars dans Disney pas bloqué par sa position trop dominante. Ben justement, moi je pense qu'ils ont assez d'argent et assez large public pour se permettre de froisser certains. Parce que ils rentreront quand même dans leurs frais et puis le marché finira par suivre. Et c'est pas dans l'autre sens que ça fonctionnera. Mais ils testeront d'abord, comme je pense, comme dit Lane, sur les séries. Sur les séries, c'est possible. Ou sur la série Disney+, avant de dropper ça dans les films. Ouais, il faut pas oublier aussi que le public, quand il se voit représenté, il vient en masse. Et donc, ça compense le fait que ce soit pas distribué sur certains trucs. Black Panther, ouais, j'ai vu Captain Marvel. Il y a une personne qui est allée voir Captain Marvel 30 fois au cinéma parce que elle était trop heureuse de voir enfin une histoire de femme, etc. Le public, il sera là. Et le public qui se sentira représenté compensera le public qui aura pas été, auquel ça aura pas été distribué parce que question politique et tout tintouin. Et donc il faut qu'ils comprennent ça, il faut qu'ils prennent le risque parce qu'en vrai ils ont rien à faire. Tu crois? Conclue, s'il te plaît, qu'on en finisse. Oui, bah merci beaucoup. Line, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter avec l'arrobase Lane Anxou avec deux O à la fin de Anxou. Voilà, je parle principalement de comics et de romans. Star Wars, hein, j'entends. Il aime bien en dire du mal. Eh oui. Il faut bien que je... Mais c'est comme Matt, ils sont tous les deux gentils quand même. Et on peut se moquer de ça, ça passe. Ah ouais. Bon, il faut juste pas se moquer de ma petite boule de poil. Je parle de mon chat. Nous, vous pouvez évidemment nous retrouver @FauconPod sur Twitter, FauconMillennial sur Facebook. Facebook. Faucon Millennial sur YouTube aussi. On est enfin à jour sur les versions vidéo du podcast. Merci Ximnut. Ouais. Oh mais c'est un plaisir. Vous pouvez nous retrouver. On commence à avoir des commentaires sur iTunes. J'ai vu et merci beaucoup. C'est super cool. Merci. Continuez. Et ne faites pas du queerbaiting et que la force soit avec vous. Salut. Bye bye. Salut. Au revoir.